ça fait partie des chansons que l'on se souvient et qui ne jouent plus ou si peu souvent dans les stations de radio. Merci. Et donc, ça fait plaisir de me le rappeler à moi. Donc, je me suis dit, du même élan, si je me le rappelle à moi, je vous le rappelle à vous. Hein, quand même. Il faut de l'imaginaire, là. Il faut savoir que, à travers toutes ces chansons qui nous ont fait grandir ou rapetisser, moi, on dirait qu'avec la vie, je me courbe. Ouais, tranquillement. Je sais pas pourquoi. Puis là, il y a une infirmière qui m'a dit, « Monsieur Grenier, c'est normal. Ne vous en faites pas, parce que avec le temps, va tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules dans la galerie Charfouille dans les rayons de la mort. » J'ai dit, « Hey, vous êtes un ferré, vous? » Elle dit, « Oui, je suis très ferré dans Léo. » »« Oh, vous connaissez Léo? Ben voyons donc. » Ça m'a fait grandir, ce Léo-là. Puis là, maintenant, ben, avec l'âge, là, je le comprends. Je l'ai mijoté. En fait, comprendre un artiste, l'œuvre d'un artiste, pas juste une chanson. Là, aujourd'hui, on est rendu dans la chanson. Là. Il y a juste une. Le titre. Mais avant tout ça, il y avait des créateurs, il y avait des auteurs, compositeurs, interprètes qui fonctionnaient sur un album, sur un concept d'album, sur la musicalité. Bon, aujourd'hui encore la musicalité, je ne veux pas dire que tout a été enlevé, mais l'essentiel n'est presque plus là, sauf pour les anciens ou les gens qui veulent suivre le même chemin qu'eux. Il y en a encore, heureusement. C'est eux qui m'intéressent. Les autres, je les diffuse, mais pas souvent. Non, mais je réfléchis en même temps. J'ai l'air de ça quand je réfléchis, moi. Mais. Ça veut dire que je prends une pause intellectuelle quand je fais mais. Là, vous commencez à comprendre les rances rénaldiennes tranquillement. Là. J'espère que ça fait 14 ans que ça existe. Après 14 ans, je sais pas, il y a des tics. Il y a des gens qui me connaissent, qui m'écoutent. Vous m'écoutez? Ou pas vraiment? Vous êtes où actuellement? Chez vous? Chez un copain, une copine? Chez un être cher, pas trop cher? Il vaut pas cher? Je sais. Ouais, au début, hein, l'être cher vaut cher. Puis plus ça va, plus ça diminue, hein? Parce qu'il y a des discussions, il y a des conflits. Les conflits viennent d'où? Très souvent, malheureusement, c'est l'argent. C'est pas très rarement au niveau sexuel. Au début, c'est le fun. Hein. On est là, hey, salut, comment ça va? On se monte. On est dans un lieu public, on peut pas rien faire de trop. Oui, exactement. On peut pas faire ça de même. Donc, il faut se reculer, puis. On se mange des yeux, on se regarde, et on s'admire, on discute, on mange les mots. On est toujours en train de manger quand on est au début, hein? Puis après, on dirait qu'on régurgite. Tranquillement, hein? Ouais, mais ça, tu le fais pas souvent, hein? Ton ménage, là, c'est toujours moi qui te torche en arrière. Torcher. Hey, le mot torcher, ça vient de ma mère, torcher. Ma mère disait ça, je torche. Elle lave pas, elle la torche. Donc, la signification de torcher, non, mort va vous le dire, moi, là, j'ai le droit de vous le dire. Quoi, on a le temps. On a toute l'infini. Imaginez-vous que ce soir, là, Errance Rénaldienne n'a pas d'heure. N'a pas de finalité. Ça s'en ira quand ça s'en ira. Ah oui, c'est ça. On est là pour être là, puis on verra après. Ça, c'est bien. Ça, j'adore ça. C'est des gens qui m'intéressent. Comme une jeune fille que j'ai rencontrée il y a pas si long, excusez-moi. J'ai des hauts le cœur. Les hauts le cœur. Oui. Je sais, il y a les hauts le vent, mais moi, c'est les hauts le cœur. Je vais vous dire pourquoi. Chose à ne pas faire avant. Oui, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et ça sera pas la dernière fois. Ne jamais, de un, boire des mixtures à base de gaz. Pourquoi? Ben, à un moment donné, le gaz va sortir. Hein? Hein? C'est tout à fait normal. Le gaz va sortir. C'est comme le tu sais, les gens qui disent le méchant va sortir, mais moi, c'est le gaz. C'est pas le non, c'est pas un gaz qui va tuer mes amis, les humains. Mais non, c'est un gaz qui vient en moi parce que j'ai bu une eau gazébo. Ah, mais là, il fait pas très beau, hein? Ah, mon... J'ai regardé, là, tout à l'heure, là, la météo. Oh, pop, hop, la, la, la, quel flippeau. Oh, maman, quel voyage. Ah, baba, quel flippeau. Je n'ai plus ma 20 ans. Ah, maman, quel flippeau. Ça, c'est Patrick Zabé. Là, vous vous demandez, qu'est-ce que fait Patrick Zabé actuellement? Il ne m'écoute pas, ça, c'est certain. Il n'écoute plus ses chansons et ses succès. Il est dans la création la plus singulière. C'est-à-dire qu'il se dit, à un moment donné, ça va être ma chance encore. Puis je lui souhaite, parce que quand même, il a fait des chansons qui nous ont fait rigoler, qui nous ont amusés, qui nous ont fait passer des moments difficiles. Agadou, Doudou. Puis c'est souvent des chansons que Carlos avait pris. Les grands succès de Carlos, Patrick Zabé les a refaits à sa sauce. Puis très souvent, entre vous, là, rapprochez-vous. Je peux-tu monter le son, là, parce que j'ai une nouvelle console. Je ne suis pas dans mon environnement naturel, là. Je vais vous le dire plus tard. OK? On peut-tu monter le son? Oh, voilà. Je pense que le son est monté. Mais est-ce que c'est le son ou mon casque d'écoute? C'est ça que je me demande. Mais je crois que c'est le son. Attendez, on va vérifier. C'est le son. C'est le son. Ah non, c'est pas le son. C'est le casque d'écoute. Ah, voilà. OK, là, c'est le son. Là, je sais que c'est le son. C'est que Patrick Zabé puis Carlos, ils se sont jamais rencontrés. Mais il y en a un qui écoutait l'autre. Devinez qui? Ben, c'est Patrick. Puis peut-être même pas que ce soit lui. Mais attends, on va se mettre là, au diapason. Je crois sincèrement que c'est même pas Patrick Zabé qui écoute. C'est des gens qui étaient dans l'industrie. L'industrie. Puis là, ils savaient que Patrick faisait des chansons un peu rigolotes, là. Puis là, ils ont vu que Carlos aussi. Fait qu'ils ont demandé à Patrick, Patrick, mon beau Patrick, mon Zabé Jeans, dis-moi, veux-tu chanter ces chansons-là? Puis le Patrick, eh ben oui, mais oui, mais oui. Savez-vous, il y a un lien entre moi et lui. On avait le même dentiste. Oh, c'est intéressant, hein? Vous vous dites, ah, ils se sont rencontrés, ils ont pris de la bière ensemble, hein? Ils ont comploté. On n'a rien comploté. En tout cas, moi puis Patrick, jamais. Moi puis Carlos, jamais non plus. Carlos est mort quand même assez jeune. Savez-vous que ce cher Carlos, parce que j'en parle depuis quoi? 4 minutes 30 secondes? 36, 39, 43, 52, 72. 72 secondes, ça se peut pas, hein? Comment ça se peut pas, 72 secondes, madame? OK, ils ont arrondi ça. C'est qui arrondit? Pouvez-vous... Y a-t-il le nom de la personne qui arrondit? Bon, on va l'appeler. On a le téléphone ici. Avez-vous le numéro de la personne qui arrondit? Mais ça va me coûter... Bon, OK. Un montant... Oui. D'accord. Bon, on peut pas faire ça. Non. Je me le déconseille moi aussi, madame. OK. Les avocats vont suivre. Bon, la police puis la GRC. Ah, mon... La calotte... Ben, voyons donc, vous. Ils viennent pour ça, eux autres. Ah. C'est nouveau. Giorgio s'est mis à la guitare. Rien à la mandoline. quoi. Je peux pas faire... Parce que j'ai pas de reverberator. Moi, vous expliquer un peu. Je vais vous mettre en circonstance. Non, c'est le temps. Là. On est ensemble, entre amis. J'ai deux studios actuellement. Bon. J'ai un studio dans le studio. C'est assez simple. Studio des abeilles, c'est le studio. Puis j'en ai placé un à l'extérieur qui est dans mon salon. Pourquoi je ne fais pas mon émission actuellement dans mon studio des abeilles? C'est parce que ça communique en haut. Puis ils vont savoir que je fais des émissions. Hey, t'es rendu un peu... Non, non, non, parce qu'en haut, c'est pas les extraterrestres. C'est des gens qui habitent en haut. Mais, oui, je suis dans une maison, mais je suis pas tout seul dans ma maison. C'est ça. Bon, ça mijote, là. Est-ce que vous êtes une mijoteuse batteuse ou une mijoteuse rêveuse? Vous êtes rêveuse? Ah, comme moi. Oh, hey, Miami. Miami, c'est beau, Miami, hein? J'ai jamais mis les pieds à Miami, moi. Ah non, ah non, ah non, ah non. La seule affaire, c'est que la seule place aux États-Unis que je me suis... on m'a déplacé. Mais en fait, moi aussi, là, j'ai embarqué dans la voiture, puis on m'a envoyé là-bas. Non, mais j'étais pas tout seul. Là. Non, non, non, non, non. C'était... comment t'appelles ça, non? Hey, mais tout le monde vole. Bonne baby. Comment t'appelles? Hein? Bonne beach, ça existe pas. Mais il y a beach, là. Il y a des bitches, là. Ah, il me regarde. Hey, c'est Renal Gagné des races canadiennes. Non, c'est pas ceux-là. Pas facile à dire. Est-ce que ça se peut? Fadadadadil en voiture, ça se. Parce que là, moi, j'étais pas le chauffeur. Je peux pas être chauffeur, j'ai pas de permis. C'est pas permis pour moi d'avoir une voiture. Heureusement pour vous, madame. Ben oui. Parce que non, mais. Je peux vous dire pourquoi. Ben oui, j'ai un scooter. Ça, vous avez raison. Un scooter électrique que j'utilise pas maintenant. Parce que là, quand même, on est encore en hiver. Ah, que l'hiver tendra passer quand on le passe à la fin. J'ai pas de reverberator, fait que vous m'entendez avec une voix normative et c'est souffrant parce que c'est pas mon studio, mais c'est en même temps mon studio. Comprenez-vous un peu, là? Mais je vais changer de console, mais si vous... il faut voir ma petite console que j'ai, là, c'est presque... c'est surhumain. L'autre l'a fait comme un clavier et demi par deux claviers. C'est-à-dire que tu mets ça dans... Ouais, c'est ça, c'est gros de même. Et puis l'autre, là, avez-vous compris? OK. C'est comme deux cartes de crédit, une à côté de l'autre. Mais sans carte de crédit, là, c'est comme imaginaire, là. De misère à voir, là, hein? J'espère que... Voyez-vous, madame... Non, je vous le souhaite, parce qu'on est à radio. Non, mais il y en a de même, hein? Surtout les voyants. Dieu voit tout, je vois tout. Ben oui, tu vois tout. Et pourquoi tu vois pas ta vie à toi? Hey, si t'es voyante, là, tu dois savoir ta finalité. Pas facile de connaître ta finalité, toi, ma championne. T'es une voyeuse. T'es une voyeur, t'es un voyeur voyeuse, t'es une voyeuse voyeur. Si vraiment, je ne mets pas en doute ces gens-là, là. Je me questionne comme un imbécile heureux. Je me demande si toi, ça c'est important, là. On dit des affaires, là, plus que basic, là. Parce qu'il y en a qui se font avoir là-dedans. Oh, ma carte du ciel, ta carte du ciel. Ciel! Tu t'es fait avoir! Il n'y a pas de carte du ciel qui tient là-dedans. Oh, les tarots. Les tarots. Allô, les tarés! Il y a des tarots, du tarot, le tarot. Oh, mon Dieu, le tarot, la dame de pique. Oh, mon Dieu. J'ai attrapé une chlamydia. Ah, la dame de pique, ça me pique en tout de l'air. Oh, mon, c'est chic. Faut être désespéré, là. Pourquoi à ça? Jacques Brel, à la fin de sa vie, quand il y avait un cancer, tous les hurluberlus arrivaient vers lui. « Ah, oh, je peux vous guérir, je connais le... » Ah, oh, oh. Puis un gars qui veut rester en vie va croire ça, va aller les voir, va se faire usurper. Usurper, madame, c'est usurper. Vous, ben c'est... Ouais, c'est... Mais, ben c'est ça, on se fait... pas avoir, mais on se fait avoir. Au Québec, on se fait avoir. Ailleurs, on se fait avoir. Je me suis fait avoir hier au soir à Saint-Dilon. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Non, il y avait quoi? Ben, il y avait une voyante qui était cachée dans le Saint-Exupéry. Ah, mon Dieu! Puis, as-tu fait un mouton? Ben, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parce qu'il n'y avait pas de crayon. Hein, le petit garçon, là, fais-moi un mouton. Ben, c'est pas un petit garçon, c'est le petit prince. Pauvre fille! Désœuvré, manque de connaissances générales. Ben là, j'ai étudié au Québec. Oui, mais c'est ça. Manque de... Mais c'est pas vrai, il y a des élites au Québec. Il y a des élites. Vous voulez que j'en nomme? Des élites, là. Élite Butler. Paquetteville, ça c'est Elite Butler, c'est le... Paquetteville, tu veux bien dormir. Ça c'est bon. Ça, c'est... Après ça, c'est qui? Ben, il y en a plein d'élites. Il y a Elite Copter. Et ça monte tout le temps. Puis c'est pas juste au Québec. Les Elite Copter, j'ai rien contre. J'ai tout pour. Parce que c'est la seule affaire qui monte puis qui descend. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Qui monte, qui descend. Et dans un endroit très précis. Tandis que l'avion, c'est pas ça, là, hein? Là, elle voit la piste, puis elle s'en va tranquillement, là. Elle se laisse glisser. Tandis que l'hélicoptère, du haut vers le bas, en fait, c'est l'ancêtre. C'est pas... Non, c'est pas l'ancêtre. C'est que les observateurs se sont fiés aux soucoupes volantes pour faire les hélicoptères. Parce qu'une soucoupe volante, hein, elle est en haut, pff, elle descend en bas. L'hélicoptère est en haut, pff, elle descend en bas. L'avion est en haut, elle reste en haut parce qu'elle doit descendre tranquillement, là. Elle doit prendre son élan, puis elle doit se ralentir, puis hey, l'hélicoptère, c'est pas ça, là. C'est... Elle descend... Ben, c'est salé. Puis là, est arrivé. Tout le monde descend. Ah là là là là là là là là là là là. Ils sont tous énervés, les gens d'hélicoptère. En avion, c'est ah! Ils sont tous crampés pendant 15 secondes, là, tu sais, avant l'atterrissage. Ah! Ils savent pas. Y a-tu un arbre qui a poussé, là, en plein milieu de. On sait pas! Puis ça dépend où on atterrit. Hey, en Afrique méridionale! Il y a peut-être des arbres qui ont poussé sur la piste d'atterrissage. On ne sait pas, ils sont malades. Ben, ce n'est pas eux autres qui sont malades. Là. Mais c'est des arbres qui sont malades. Ils poussent n'importe où. Puis moi, je me dis que les arbres... Oh! Thank you. Moi, je me dis que les arbres, parce que j'ai brisé mon écouteur. Non, c'est revenu. Faites-vous en pas. C'est le fil qui... Mais c'est que, moi, je me dis, j'avais une bonne idée, mais je l'ai perdue, ou presque. Je me dis... Tu te dis quoi, toi? Ah, je m'en dis des affaires. Ah, mon doux! Jour après jour, comme disait Cyndi Lauper, c'est en anglais, excusez-moi, mais je ne suis pas bilingue pour 5 cents. Juste pour 10... Quoi que c'est 2 cents, 10 cents. F-time, oui. Je suis bilingue, hein? F-time. c'est pas Cyndi Lauper, ça, c'est Sticks After Sticks. C'est sacré. Je vous jure, monsieur l'avocat, que je n'ai jamais sacré. Ma femme, bien sûr, fait des explorations intellectuelles avec des petits individus bizarres, là. Je peux pas les nommer. Je les connais pas. Je veux pas les connaître. Je veux surtout pas les connaître. C'est du monde. Hey! Moi, je suis d'une bonne famille. Hey, ma mère est professeure de littérature. Ouais. Elle enseigne, ouais, c'est ça. Elle enseigne comment t'appelles ça, je m'en souviens plus. Ben, parce qu'elle me le dit pas souvent, hein. C'est comme une gêne pour elle. Oh, le grévisse. La grand-mère grévisse. J'ai dit qui encore aujourd'hui se fie aux grévistes? Ben, pas les fonctionnaires, mais les gens qui ont. Ah, c'est ça. C'est ça. Les syndicats. C'est les syndicats, les grévistes, les syndicats, c'est ça. Sinon, les grévistes, c'est quoi? C'est la grand-mère gréviste. Pas besoin de clous, juste des grévistes. Oh, pas pire celle-là. Non, c'est gratis. Non, c'est une blague gratis avec les grévistes. C'est ça. Mon père, lui, il travaillait dans la construction. Il construisait des châteaux de cartes. Ah, mon, pas en Espagne, là. Au Québec. Même à un endroit précis au Québec, dans la vieille capitale. Ouais. Je sais bien que Québec, c'est la vieille capitale. Là. C'est juste pour agrémenter, avoir l'air intelligent, mais on n'a pas l'air intelligent quand on l'est pas. C'est vrai, vous avez raison. Oui, vous êtes rendu compte, hein, que je vais venir bloquer. Ça veut dire pourquoi je venais boucher? Des allergies. Je suis allergique à quoi? Attends un peu. Laissez-moi rire un petit peu. Ça me débouche le tympan. Tympan, tympan, ils s'en viennent. Tympan, je savais qu'ils s'en venaient. Tympan. Non, mais je suis allergique à la poussière de lune. Qu'est-ce que la poussière de lune? C'est la poussière. Si vous avez écouté Rance Rénaldienne il y a quelques semaines, je vous ai expliqué pourquoi je faisais pas de ménage. Parce que le ménage égale enlever tout ce qui arrive du ciel. Donc, les étoiles explosent à un moment donné. Ça fait de la poussière, ça descend sur Terre. Est-ce que vous retrouvez sur vos vaisseliers, sur vos tables, sur vos chaises, sur votre ordinateur, sur votre télévision? C'est de la poussière d'étoiles. Vous essuyez de la poussière d'étoiles. À mon avis, là, très, très singulier. Je tiens à vous le dire. Non, ça ne sera jamais populaire, ça. Non, faites-vous-en pas, c'est pas populaire. Vous exterminez ce qui vient d'en haut. Je sais pas si c'est péché. Ah, les péchés sont courants de nos jours. Tout est péché. Et monsieur, je dirais pas tout ce qui nous rend... c'est ça, tout ce qui nous rend coupable. Il y en a, surtout dans notre tête, là. C'est pas péché, mais pour nous, c'est coupable. Admettons, t'es au régime. Ça va se finir bientôt, Madame Thibodeau, faites-vous-en pas. Oui. Vous allez pouvoir prendre votre yaourt. Pourquoi vous dites pas yogourt? Nous autres, on dit yogourt. Vous, c'est yaourt. Avez-vous du yaourt? Qui? Yaourt? Ben, il est parti, je pense. Il travaillait chez nous, lui. On a tellement de nouveaux employés. Yaourt qui? Non, mais yaourt. Yaourt. Yaourt aux fraises. Oh, yaourt aux fraises, je ne le connais pas, lui. Il y a yaourt au bleuet. Il vient du Saguenay, lui. Lui, son bleuet, là, il se vante auprès de tout le monde. Mon bleuet est tellement gros, tu pourrais jamais le prendre dans tes mains. Pas le prendre dans tes mains, moi je veux pas prendre ton bleuet dans mes mains, là. Puis en même temps, ce qu'il veut dire, ce gars-là, c'est que sur sa planète, qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais faut pas te tromper, quand tu viens du Saguenay, soit que tu viens du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean, mais tu viens pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu viens d'un des deux. Puis c'est normal. Il faut rester intègre. Il y a comme une compétition. Ce soir, nous avons deux rivaux. Le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Et là, tout le monde est là. Ils sont pris comme ça. Il y a comme une fébrilité, là. Oui, là, on me demande souvent, es-tu plus Lac-Saint-Jean ou Saguenay? Mais là, si je continue à saigner du nez, je pense que j'ai une petite préférence, là. Arrêtez de me frapper. Mais c'est pas du sang, c'est du bleuet, c'est des bleuets, du bleuet. C'est du liquide de bleuet. C'est du... Oui, c'est du sang de bleuet. Le sang de bleuet, qu'est-ce que ça fait? Ça régénère le cerveau. Mais voyons donc, oui. Depuis quand? Ben depuis des siècles et des siècles. Amène-moi ça! Amène-moi ça où? Ben amène-moi ça près de moi. Parce que je veux analyser, est-ce que, de un, des scientifiques se sont penchés là-dessus? Tiki Baudouin m'a dit oui. Ils sont penchés pendant 3 semaines et demie. Puis après ça, ben, on a dû les lever pour les enlever de là. Parce qu'ils étaient comme... Ouais, c'est ça. Exemple, ben, selon moi, voilà, comme des statues. Donc, on dit, non, mais il était arrivé, puis il était collé là. Il était collé là, puis on savait pas ce qu'il voulait dire. Il parlait pas, il était là. Ils ont figé. Nous autres, du monde figé, on en connaît, là, mais ils sont pas au Saguenay, puis nous, au Lac-Saint-Jean. Ils sont à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, un peu partout, en Abitibi-Témiscamingue. Puis c'est pas ma gang, là, c'est ma grosse gang, à Témiscamingue. Tu veux que je leur dise? En Abitibi-Témiscamingue. Témiscamingue. Ouais, mais je l'ai bloqué. En Abitibi-Témiscamingue. Bon. Témiscamingue. Puis là, ne demande pas un Français de dire Rouyn-Noranda. Ça va ressembler comme Gainsbourg, Rouyn-Noranda. C'est quoi? C'est un réseau indien? Rouyn-Noranda. Mais ils essayent de venir comme nous autres. Ils veulent. Tu sais, cousins, cousines, c'est bien beau, là, mais ils prouvent qu'on est des cousins et des cousines. T'sais, souvent, on se demande des. Il y a plein de questions qui nous arrivent en tête. Puis heureusement que ça passe pas par la bouche. T'sais, c'est juste de tête à tête. T'sais, ça reste bloqué. Sinon, je pense qu'on aurait des problèmes. Des gros problèmes. Collapse, energy of blossom. 6-7 ans dans une vie de polychinelle? Comment... Non, mais on se pose la question ce soir, là. La vie du polychinelle est de combien d'années? Madame Tremblay? Oh non, elle a la... Pourquoi vous avez les mains sur le visage? Vous pleurez, vous riez, vous êtes déconcerté. Oh, mais voyons donc. Vous êtes déconcerté par autant de... Ben, voyons. Vous n'êtes pas habitué. La rentrée canadienne, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est une information frivole. Quelquefois très directe, mais frivole dans l'ensemble. Moi, je dirais frivole 8, puis dans l'ensemble 2. Fait que qui gagne, c'est frivole. Puis quand frivole gagne, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'envole, comme la frivolité. Et c'est comme l'imaginaire, hein? C'est là, puis ça s'envole. Il y a une belle chanson là-dessus que vous voulez pas que je chante, sans doute. Hey, pendant toute la soirée, avant de faire cette émission Errance Rénaldienne, j'avais une chanson de Mimi. Mimi Loulou. Connaissez-vous Mimi Loulou? Qui a cette belle inconnue? La femme en bleu sur la sa table, je me sens fou de l'avoir vue. J'aimerais même qu'elle me regarde. Je n'ai jamais vu s'ennuyer une femme avec tant de charme. J'imagine son corps nu qui m'invite à chaque pas à cause d'un regard. Non, il n'y a pas de réverbo, là, c'est ma voix. Là. Moi, Mimi Loulou. Mimi Loulou. Michel Louvain. Hein, monsieur? Vous n'avez pas de référence, mon petit bonhomme? Vous venez d'où, vous? Ouais. OK. Non, j'ai rien contre, vous voyez? Fâchez-vous. Quand elle se fâche, elle, son problème, là, c'est que c'est une ancienne, hein? Pendant toute sa vie, elle a fait du ménage. Puis quand elle, quand même, oui, exactement, quand elle prend les nerfs, ou prendre des nerfs, tu sais, elle prend les nerfs puis elle sauve avec. Elle a pas peur, elle, là. C'est une... Non, mais c'est pas une peureuse. Tu sais, les nerfs, il y en a qui... Elle est comme toi, les nerfs. Elle, c'est pas ça, là. Elle les prend, puis pff, elle part. Là, c'est fini, c'est pas fini, là. Tu cours après, puis là, elle frotte tout le temps. Elle frotte. Oh, ça me dérange pas, Voyons, je vous ai contrarié, madame. Non. Quand elle te fait un ménage en 2 minutes et 53 secondes, là, ça veut dire qu'elle est bien contrariée. Que ça m'arrive souvent de la placer dans des situations graveleuses, dirons-nous. Mais là, ce soir, je m'excuse infiniment auprès d'elle, auprès de tous ses amis. Et puis, je voudrais simplement vous annoncer qu'aujourd'hui... Non, mais c'est très... Non, mais on est dans un moment là, très charnière de l'émission. Des excuses. Quand tu vas voir des remises de prix, souvent, il y a des gens qui mentionnent... Ben, je remercie mon impresario. Je remercie mon auteur, compositeur, interprète. Parce que c'est pas moi qui chante. C'est une bande magnétique. Je ne suis qu'une marionnette. Les marionnettes, ça plaît à beaucoup de personnes. Avez-vous vu La double vie de Véronique? Hein, je répète, avez-vous déjà vu La double vie de Véronique? Il y a une scène exceptionnelle de marionnettes là-dedans. Je vous le conseille fortement. Pour tout le reste aussi. Puis on a rencontré le producteur lorsque ils se sont présentés pour le festival du cinéma, je sais pas quoi, au Québec. Français, je sais pas, en tout cas, il y a eu plusieurs années. Et puis Kislowski n'était pas là. Kislowski, c'est le réalisateur qui est décédé sur une table de montage. C'est bien, c'est comme Molière qui voulait mourir sur scène. Tu peux pas mourir autrement mieux que ça, là. Imaginez. Bon, c'est certain qu'un médecin, tu veux pas qu'il meure pendant ton opération. T'sais, c'est celui là, qui dirige, là, t'sais, cardiologue numéro un, les autres, c'est des étudiants. Là. Écoutez, j'ai coupé. Oh! Oh! Pff! Docteur! Docteur! T'sais, bon, en tout cas. Mais là, quand c'est du cinéma, quand c'est quelque chose qu'on peut retravailler après, c'est autre chose. Mais avez-vous aimé, hein? Vous avez aimé ça, hein? Quand j'ai fait le cardiologue, pas pire. J'ai travaillé à l'Acteur Studio 2 jours. Ils m'ont remercié. Ben, ils m'ont remercié. Ils m'ont dirigé vers la sortie. Ben, dirigé vers la sortie, j'ai pas marché. Ils m'ont levé, puis ils m'ont propulsé. Propulsé, ils m'ont expédié. J'ai pas vu le sol. Ben, je l'ai vu, mais à la dernière minute. On m'a dit que j'étais un charlatan. Charlatan. J'ai dit à Al Pacino, j'ai dit, oh, oh, hey, mon ami, oh, pourquoi on m'a pris comme un animal? J'ai été traité comme un animal, oh! Là, oh, là, il savait pas quoi dire, là, tu sais, il dit, oh, Pacino, Pacino, Pacino, non, c'est Pacino. Hey, voyons donc, oh! Tu patines mieux que ça avant? Avant, tu patines. Non, mais avant, il m'a dit, hey, j'ai pas patiné autant que ça, là. J'en ai ramé un coup. Puis aujourd'hui, je suis devenu une. À l'époque, j'étais devenu une vedette. Aujourd'hui, ben là, on m'a oublié. Comme on oublie bien des grandes vedettes de ce monde. Ça fait combien de temps que t'as pas vu Marlon Brando? Me dit subitement Guylaine Raimbeau. Ben, j'ai dit, écoute, je veux pas te décevoir, là, mais on le voit plus parce qu'il est mort. Elle, là, a pris son 40 heures et demie, puis elle a pris son 10 onces. Elle prend 10 onces après son 40 heures et demie. Elle se souvient de son enfance. T'sais, un biberon, 4 heures ou 2 heures, ça dépend. Si c'est la tétée du sein, c'est aux 2 heures. Si c'est du lait venu des industries pharmaceutiques, il t'en envoie pour 4 heures. Elle était au début au mamelon, puis après ça, ben, elle était au gros galon. Le gros galon vient nous servir à boire, t'es contente, elle a chanté, non, non, non, et on lui a dit, tu vas faire du folklore plus tard, toi, ah, oh, t'es dedans jusqu'aux dents, oh mon dieu, hein, mon Gaétan, il est dedans jusqu'aux dents, elle, oh mon dieu. Mais avant de vous laisser, je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui, le lundi 11 mars, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Glad you are a girl. Alors aujourd'hui, un être très, très, très intéressant, le guitariste, l'auteur, compositeur, interprète, celui qui était la tête dirigeante du groupe, défunt groupe Noir Désir, Serge Tessot, gay, aujourd'hui il fait cavalier seul. Il joue avec plusieurs autres artistes. Il est multidirectionnel. Un homme attachant, sympathique, comme je l'ai dit, humaniste. Serge Tessot, gay, à toi l'artiste. L'endroit le plus pris par la pollution, c'est Montréal actuellement. J'ai vu ça, c'est hallucinant. Ouais. Hallucinant. Ça, c'est à cause des feux à la baie James. Ça, c'est une centrale hydroélectrique. Et là, il y a des feux, c'est incroyable. Puis ça s'amène. Les feux de la baie James amènent de la fumée jusqu'ici. C'est fou, hein? Oui, c'est fou. C'est un vase communicant, il ne faut pas l'oublier, hein? La Terre. Bien sûr, mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mais toutes les questions qui sont liées au. Au genre aussi. Ah oui. Tu vois, l'égalité entre les gens, c'est quelque chose qui est super important. Oui. Tu vois. Pourquoi on serait supérieur à quelqu'un qui est différent de soi? Donc, déjà, les conservateurs, en fait, ils ont toujours un sentiment qui est complètement déplacé, à mon sens, de supériorité. Mais pourquoi? Pourquoi tu serais meilleur que quelqu'un d'autre? Ouais. En fait. Qu'est-ce qui fait la hiérarchie? Hein? Tout ce qui est. Bah, tout ce qui est lié à la compétition, asseoir son pouvoir sur les autres, c'est quelque chose qui a toujours été remis en question et qui doit être remis en question, bien évidemment. Comment construire un monde meilleur, comment continuer à évoluer ensemble. Et puis essayer de vivre heureux. Ouais. Mais oui, c'est quand même un peu le but de l'histoire. Ouais. On est sur Terre pour très très peu de temps, donc il faut évoluer rapidement, essayer d'évoluer rapidement. J'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. On peut faire une pause ou pas? Oh oui. Faut que j'aille au... Oh, ouais. Vas-y, ben oui, il n'y a pas de problème. Oui. Tu veux que je te commande autre chose? Non, merci. Oui, merci. Dimanche. Non, pas dimanche, c'est l'autre dimanche. Je suis arrivé aujourd'hui. Je suis arrivé à 13h30. J'ai fait 3 rencontres. C'est ma 4e. Donc... Tu vas être satellisé. Non, mais le problème, c'est que actuellement, il y a... Les gens s'en vont, surtout les comédiens, ils s'en vont à Avignon. OK. Ben, le théâtre d'Avignon, là, c'est là, là. Il y en a beaucoup qui partent là, dans les jours qui suivent. Donc, aujourd'hui, le premier, j'en avais deux à rencontrer. Parce que le lendemain, ils s'en allaient à Avignon. Et c'est toujours comme ça. Hein. Puis, surtout que là, c'est un peu spécial parce que je viens ici depuis 12 ans et je termine, là, je ne renouvelle plus mon passeport. Donc, c'est ma dernière rencontre cette année. Après, c'est terminé. Pourquoi? Parce que je veux préparer ma retraite. D'accord. Ouais. Donc, ça coûte quand même assez cher. Préparer tout ça, rencontrer des artistes. C'est pas ma radio qui paye, c'est moi. Ouais. Et j'ai un travail qui n'a rien à voir avec la radio en dehors de ça. Donc, c'est ce travail-là qui m'amène ici. Donc. OK, d'accord. Oh, oui. Par curiosité, tu fais quoi? Ah, ben, je travaille dans une épicerie. Dans quoi? Dans une épicerie de quartier. D'accord, OK. Et sinon, je fais de la radio depuis 22 ans. Mon émission existe depuis 20 ans. OK. Et donc, j'ai fêté ma 800e il y a quelques... Wow. Il y a 2 ans. Ah, c'est beau. Et j'ai demandé à des artistes ici de me faire... en plus, c'était pendant la COVID, de me faire des compos, des trucs. Puis, il y en a plein qui se sont joints à mon 800e qui a duré quand même une émission de 5 heures. Ça, c'est quand même. Il y en a tellement. Je ne veux pas en oublier. Mais c'est ça, là, c'est des liens ici. Hein, j'ai rencontré, il y a des artistes comme Paul Pechenard, je ne sais pas si tu connais, l'ancien musicien des Dogs. OK, d'accord, les Dogs, c'est connu. Bon, voilà. Et lui, il a fait 3 années avec les Dogs. Là, il fait cavalier seul. Et c'est lui qui vient me chercher à l'aéroport depuis 2 ans et demi. OK. Donc, c'est un ami. C'est créer des liens avec des artistes, des comédiens. Et ça se termine cette année. J'ai 10 questions. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ah, mais moi, je te suis depuis, bien sûr, Noir Désir. Mais même quand tu fais cavalier seul, avec tes 2 disques pendant Noir Désir, c'était pour moi très important. Parce qu'on avait le même âge. Même je suis un peu plus vieux que toi. Je suis de 63. Ouais. Ah, OK. Ah, 64. Et tu vois, ouais. OK, ouais. Ah, mais c'est facile. OK. Merci. Et donc, moi, je te suis de près. Et le groupe, bien sûr, par lien direct. Hein. Et ouais. Ensuite, j'ai vu que tu étais avec d'autres membres de certains groupes, des duos et tout ça. On en a parlé. Et je voyais vraiment un intérêt marqué de te rencontrer cette année ou jamais. Et surtout que lorsque tu étais avec Noir Désir au d'Auteuil à Québec, tu as fait plusieurs soirs au d'Auteuil. Ouais. Et donc, j'étais beaucoup plus jeune. Et toi aussi, tout le monde était plus jeune. Mm-hmm. Et j'allais vous voir en coulisses, tout ça. Et on parlait, on faisait des verres. On s'est déjà vu alors. Non, on s'est déjà vu. Donc, j'ai 10 questions. J'ai hâte de voir ça. Mais c'est très relax, hein, c'est pour... Si tu étais un liquide... Si tu étais un liquide... Si j'étais quoi? Un liquide. Un liquide? De l'eau? Vital, c'est vital, quoi. Sans eau, il n'y a pas de vie, donc de l'eau. Mais est-ce que tu trouves ça un peu étrange de payer pour de l'eau en bouteillée quand l'eau est disponible gratos, gracieusement, gratuitement? Ah, faudrait habiter près de la source, quoi, tu vois? Non, mais le robinet, t'en donnes de l'eau. Ah ouais, ben là, tu abordes un sujet quand même hyper complexe, parce qu'il faut quand même l'amener, l'eau. Il faut la traiter, faut l'amener, etc. Non, mais chez nous, c'est gratuit. Ici aussi, on ne paye pas. C'est payé avec nos taxes, mais c'est masqué. C'est masqué, mais c'est forcément payé. Oui, c'est payé, mais tout le monde a accès. Pourquoi payer pour de l'eau embouteillée? En plus, c'est des bouteilles en plastique, donc très nocif. Tu sais que tu bois l'équivalent d'une carte bleue en plastique par semaine, quand tu bois de l'eau en bouteille. Ouais, c'est fou, hein? Ah, c'est fou! Ah oui, pas mal. Mais quand l'eau... Bon, chacun son idéologie. Si tu étais une ville... Une ville? Oui. Ben, je serais forcément une ville, une grande ville, où ça brasse à mort plein de gens. Mais peu importe laquelle, dans le monde. Si tu étais une langue... Une langue? Ah, c'est rigolo comme idée, attends. Pas trop que je réfléchisse. Une langue. Je dirais une connerie. Donc, vas-y. Une langue de chat. Non, parce que j'aime bien les chats. J'ai un chat qui squatte chez moi en ce moment. Ok. Non, si j'étais une langue. Ça peut être une langue parlée, là. En fait. J'ai vu un reportage sur la musique éthiopienne et j'ai trouvé que leur écriture était d'une beauté à tomber par terre. Pourquoi alors ? Ouais. Les parapets grimpés, les carabines et les bâtons garantis des gros bras. Hors de vieux corrompus qui attirent la vérité n'inviteront jamais personne à leur copieux repas. Ça impose le respect, de forcer le destin et de rester à la fin si discret qu'à ce point très loin de relater tous les faits avec soin. Le héros véritable, lui, se tait dans son coin. Et il fuit la photo, la lumière du plateau. Le besoin d'être flatté ne s'en plaint pas, car avant tout, après tout, son combat c'est plutôt de ne jamais ressembler à tous ceux qu'il n'aime pas. Je suis ce que je sais ce que je suis. Je suis ce que je sais ce que je suis. Je suis ce que je sais ce que je suis. Je suis ce que je sais ce que je suis. De grandes médailles dorées, faire briller légalement tous ces colliers de galons, et sourire à la gloire de se voir décoré, vénéré même de la merde collée au talon. Qu'il en faut du talent pour savoir étaler sa bave à la télé et abattre le chaland par les lois du talion. Quand on a détalé pour se caler dans son salon, les deux bras ballants, les honneurs à crédit, les compliments frottés, n'ont jamais refroidi tous les guerriers du samedi. C'est un don, je l'ai dit, de savoir parader quand sur le dos des taudis on a escaladé. Petit mondain mendie et soutient les gradins, mais aime beaucoup moins la bataille que la para. Toujours les pires pourris qui se réclament du terrain, mais envie trait pour trait tous ceux qu'ils n'aiment pas. Je suis ce que je sème ce que je suis. Je suis ce que je sème ce que je suis. Je suis ce que je sème ce que je suis. Je suis ce que je sème ce que je suis. Putain de pourri. Vous êtes nombreux et vous croyez à l'abri, hein? Je suis ce que je sème et je sème ce que je suis. Je suis ce que je sème et je sème ce que je suis. Je suis ce que je sème et je sème ce que je suis. J'aimerais bien j'aimerais bien avoir cette langue en fait. J'aimerais bien la connaître. Oh, oui. Bien la... Mais lorsque tu l'entends, elle t'interpelle quand même, tu n'es pas obligé de comprendre. Non mais bien sûr. L'énergie. Mais de toute manière, toutes les langues sont belles. Toutes les langues sont belles, elles ont toute leur poésie. Forcément, après, si tu parles du langage, de l'écriture, tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis très, comment dire, admiratif. J'aime beaucoup la Chine, j'aime beaucoup aimer avoir été en Chine. Et j'aurais 20 ans, je vivrais là-bas maintenant. Parce qu'il y a un monde de possibles qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire. On a une propagande anti-chinoise qui est extrêmement forte, ici en France, en Europe. Et pour y avoir été, c'est absolument, ça n'a rien à voir avec la propagande qu'on nous envoie par rapport à la dictature que c'est. C'est une sorte de propagande. C'est de la propagande. J'avais envie d'y habiter en fait. Comme j'ai eu envie d'habiter en Syrie par exemple, tu vois. Mais c'était avant la guerre. Oui, c'est ça. Heureusement que j'y suis pas allé. Mais j'avais envie d'y habiter, ouais, parce que je me sentais bien avec les gens. C'est les gens qui font la ville. Mais bien sûr. C'est pas la politique. C'est les vibrations viennent des humains et non pas des têtes dirigeantes. Et heureusement. Ouais. Si tu étais un mot. What the fuck? Une? What the fuck? What the fuck, ok. Ouais, okay. Si tu étais une époque. Une époque? Alors franchement, je m'en fous total, quoi. Donc, chaque époque est bonne et mauvaise. Donc, moi, je suis quelqu'un qui vit au présent, quoi, tu vois. Je peux pas dire que j'aime notre époque. C'est tellement complexe pour tout le monde. Et à la fois, il y a tellement de choses à faire. Donc, pourquoi pas cette époque-là? Tant qu'il y a de la vie, il faut créer, donc créons. Ah ouais. Ouais, pourquoi pas celle-ci? Ah ouais. Plus qu'une autre. Ah ouais. si tu étais un aliment? Un aliment. Je serais un végétal. Alors, t'es végétarien? Végétarien. Je mange peu de protéines animales, en fait. J'ai un peu de mal avec ça. Je mange très peu d'œufs, très peu de fromage. Ça me pose problème éthiquement, en fait. Donc j'ai acheté ça en me disant que j'achète jamais des produits industriels, en fait. Alors ça coûte cher. En fait, la bouffe, pour parler de ça, en fait, je trouve que les nutriments qu'il y a dans la bouffe bio, en fait, en général, compensent le fait que ce soit plus cher. Parce qu'en fait, tu te nourris mieux et t'as pas faim tout de suite comme quand tu manges des merdes, en fait. Ouais, ouais. Et finalement, tu t'y retrouves tout à fait. Et je suis très... je suis pas vegan, mais par contre, c'est une cause qui me parle vraiment. Tu es sélectif. De fait, parce qu'on a intérêt de l'être, parce que il y a beaucoup de souffrance partout. Hein. Ouais. Et dans le monde animal, c'est une souffrance qui me parle forcément. Oui, parce que c'est une souffrance silencieuse. Oui, forcément. Ouais. Ouais. Donc oui, je prends un végétal, parce que je fais des fruits et des légumes principalement, et un peu de protéines, mais tofu. Alors fais attention. Au niveau éthique, nutritionnel. C'est ça? Pardon? Alors tu fais attention à la nourriture que tu manges. Ouais, ah ouais, complètement. Ouais. Pour toi, c'est représentatif. Mais comme tout ce qu'on fait. Ouais. C'est un ensemble, en fait. Ouais. Ouais. C'est un tout. Si tu étais une saison. Ça c'est facile. Je suis du printemps. Ouais. Je suis du mois de mai. J'aime bien cette période. Ah, t'es né au mois de mai? Ouais, pas parce que je suis né au mois de mai, on s'en fout, mais ce qui me plaît, c'est les choses qui sont naissantes, en fait. Comme les idées, comme... les fleurs. Comme les fleurs. J'adore les fleurs. Évidemment, j'adore les fleurs. Tout le monde aime les fleurs. Faut être con pour pas aimer les fleurs. Ben, quand t'es allergique. Oui, mais bon, ça veut pas dire que tu les aimes pas, tu vois. Non, mais ouais. Bon, c'est ce que je veux dire, quoi. Le pollen, c'est le pollen, quoi. Non, mais tu les aimes de loin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, bon, ouais. C'est utile pour... Oui. Ouais. Pour les abeilles, oui. Ouais. Effectivement. Si tu étais un membre corporel... Les doigts. Pour un musicien, c'est... Ah ouais, pour gratter la guitare. Ouais. C'est trop important, quoi. Et pour l'humaniste aussi, serrer des mains... Les doigts. Écrire aussi. Le cerveau, les doigts, le cerveau, enfin, je sais pas. Ouais. Si tu étais un moment de la journée... Le matin. J'adore le matin. Tu te lèves tôt? Pas assez à mon goût, mais j'adore me lever. À quelle heure? J'ai jamais d'heure. Donc des fois c'est 6 heures, des fois c'est midi. Ok. J'ai jamais eu d'heure fixe dans ma vie, en fait. C'est tout dépend de ma journée. En fait. Mais ça, c'est une certaine liberté. Probablement oui, par rapport au standard des gens qui ont des boulots où ils doivent être à certaines heures. À 4 heures, 3 voilà. Heures ce matin. Et moi, ça n'a jamais été mon cas, jamais de ma vie, donc c'est complètement aléatoire. Mais la période de la journée que je préfère, c'est le matin très tôt, j'adore. C'est là que tu prends ta grappe, puis... Non. Ouais, si, ça peut. Ça peut parce que... En fait, ce que j'aime dans ce moment-là, c'est parce que ton cerveau est hyper disponible. Ouais. Il y a de la fraîcheur dans le cerveau, ouais. Et tu peux réfléchir à plein de choses très vite, et tu as plein de réponses que tu n'as pas eu la veille. En fait. Ouais. Comme quoi la nuit porte conseil, etc. C'est des bons dictons. Et si tu prends pas des notes, ben quelques heures après, ça n'a aucun sens parce que tu ne te rappelles plus. Puis tu vois, hein? Tu trouves la ligne médiane, mais on dirait que la journée fait en sorte que ça trahit ou ça amène un travestissement de l'idée. Ouais, il y a une fraîcheur dans le secteur matinal. Une adolescence. si tu étais... Oh, à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Si quoi? À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? On a forcément plein de moments où on rate dans notre vie, quoi. Où on fait des erreurs. On a des erreurs, on commet des erreurs d'appréciation, d'analyse, Mais ça, c'est le propre du lion aussi, enfin, de nous, quoi, les humains. Donc, je regrette pas. Je regrette pas parce que il y a des belles choses qui sont sorties de tout. Et c'est toujours la même chose. Je parlais de la vie, en fait, comment elle pousse. L'important, c'est ça. Donc oui, tu peux toujours dire... des fois, je me dis, si j'avais pas été musicien, je ferais quoi? Qu'est-ce qui m'intéresserait? Tu vois, en vieillissant, je me dis, il y a d'autres sortes de boulots qui m'intéressent. L'archéologie, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que je suis très curieux de comment on est arrivé jusque-là, les humains. Tu vois, tout le parcours de l'humanité, au moment où on est apparu sur Terre, et comment on a envahi tout le monde, en fait. J'ai lu plein de bouquins là-dessus. Il y a plein de boulots hyper intéressants. J'aime bien les maths. En soi, tout ce que ça peut vouloir dire comme découvert par la suite, comme idée, comme je sais pas, la biologie, je trouve ça hyper intéressant. Je pense tous les boulots qui sont spécialisés, finalement. Où les gens sont passionnés par ce qu'ils font. Tu trouves forcément un intérêt à écouter quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait et qui va amener plein d'idées, plein de pistes de réflexion pour... ouais, juste comme ça, quoi. Un boulanger peut l'être aussi. Hein? Un boulanger peut être passionné. Oui, bien sûr, mais je ne ferai jamais boulanger. OK. Ah, ça non. OK. Ah, non, c'est trop loin de la musique. C'est trop loin de la... Il faut qu'il y ait quelque chose de créatif, quoi. Où tu vas une aventure, où tu découvres des choses, quoi. Boulanger, tu découvres pas grand-chose, quoi. Ouais, une fois que tu sais comment faire... Ouais. Non, ça m'ennuierait. Non. Right. Mais t'aimes bien manger une bonne baguette. Oui, c'est bon, le pain, monsieur. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr, heureusement qu'ils sont là. Oui, voilà. Il n'y a pas de sous-métier. Non, mais c'est sûr. Non. Mais est-ce que tu as beaucoup de projets? T'es-tu un gars à 1000 projets? Ouais. Est-ce que tu en refuses beaucoup? Un refuge? Ouais, non, est-ce que tu refuses des projets? Oui. Oui, bien sûr. En rencontrant la personne, tu te rends compte que il n'y a pas d'affinité? Généralement, ça va même plus vite que ça. C'est le sujet. Pourquoi on fait ça? Okay. D'abord. Quelle direction ça doit prendre et qu'est-ce que ça veut dire de faire ce qu'on doit faire? Pour toi, la genèse est importante. Ben, c'est le sens qu'on donne à notre vie, en fait, qui m'importe. Pourquoi on fait? Peu importe la durée, que ce soit deux ans. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. La durée n'a pas d'importance. Non, ça n'a aucune importance. Ça meurt la création meurt d'elle-même. Ouais, puis il y a des. Tu vois, un projet comme Interzone, ça a 20 ans maintenant. Oui, ça a 20 ans. Oui, mais en même temps, parce que vous rencontrez pas à chaque semaine. Là. Vous êtes. Oui, mais maintenant, Raledil habite la France. Ouais. C'est mon frangin. Enfin, ce mec, il vient de la musique classique arabe. Quand je l'ai rencontré, il n'avait jamais écouté de groupe de rock de sa vie, tu vois. Et moi, j'avais jamais écouté de musique arabe, de classique, hein, je veux dire vraiment classique. Hein. J'écoutais du raï, évidemment. J'écoutais plein de musique urbaine. Alors, vous êtes auto-enrichi? Bien sûr. Et c'est ça l'intérêt de rencontrer des artistes. Bon, ça, tu sais pas sur la durée. La durée, c'est la vie qui l'impose. C'est aléatoire. Ouais, c'est complètement. Mais c'est en fait, c'est la création qui t'amène à te dire que c'est peut-être le moment de mettre un point final. C'est beaucoup de choses. C'est. C'est aussi la vibration. Moi, je trouve qu'il peut y avoir une usure. Je trouve qu'il y a une usure naturelle en fait de jouer des projets écrits. Et comme je suis quelqu'un qui pense que pour moi, bon, ce que je trouve important, c'est que la musique doit être jouée le plus possible, tout le temps. Donc le fait d'avoir un flux qui se régénère en permanence, l'improvisation est un vecteur qui est vachement important. Parce que ça amène une énergie qui est en permanence renouvelée, comme les marées en fait, dans la mer. Ça permet de tout le temps créatif. Quoi. Est-ce que des chanteurs, des chanteuses, des groupes que tu suis ou que tu supportes un intérêt ou. C'est tout azimut, donc tu écoutes n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais tu écoutes, tu t'intéresses à tout sans... Oui, bien sûr, la musique partout dans le monde. Ouais. Je suis je me suis vraiment hyper intéressé aux guitaristes africains, c'est depuis une dizaine d'années, et dans le rock, je pense que c'est pour moi ma sensibilité, hein. C'est des gens qui m'ont énormément nourri. Qui? Jelly Madi Tunkara, par exemple, qui était guitariste du Super High Band de Bamako. Ouais. Après, il y a plein de groupes, il y a Bambino, il y a plein de jeunes artistes, des jeunes guitaristes africains qui sont des purs tueurs. En fait, c'est même ce que je trouve génial, en fait, c'est que Jelly Madi Tunkara, par exemple, lui, il est assez âgé, il a 75 ans maintenant. Je l'ai vu en concert, tout ça, j'ai eu la chance de le voir. C'est des gens qui viennent de familles de griots. Donc, ils étaient interdits de jouer de la guitare électrique dans les années 50. Et donc, c'était soit la kora, soit le ngoni, jouer de façon traditionnelle, etc. Et en fait, lui, il avait son père il avait des frangins, son père, qui venaient d'Amérique du Sud. Donc, il avait aussi une influence de ces musiques d'Amérique du Sud. Qui se ressent dans sa musique. C'est très complexe, sa musique. Et dans tous les cas, il a dévié l'utilisation de la kora sur la guitare électrique. Et c'est un jeu qui est magnifique. Qui est d'une virtuosité et d'une douceur incomparable. Je trouve ça tellement beau. Quoi. Et après, il y a des guitaristes qui ont un feu, mais hallucinant. Il y a un mec, je sais plus son nom, mais c'est un fan de Van Halen, il a 20 ans le mec, et il me décolle les oreilles. Quoi. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai un disque chez moi. Et tu l'as rencontré quand même, qu'est-ce qui t'est... À Bombino par exemple, okay. on fait un concert avec Interzone, on fait l'ouverture de la soirée. Je vais voir le chanteur, je lui dis, je suis trop fan de ton disque, j'ai envie de jouer avec toi. Il me dit, bah, tu te mets sur le côté de scène et pendant mon concert, je te fais signe, tu montes sur scène et joues. Oh, ouais. J'aime bien ça, tu vois. Ah, oui. Et donc voilà, c'est le genre de, typique le genre de choses qui m'intéresse. Comme la deuxième fois que je suis retourné plein de fois en Chine, en fait, depuis cette fameuse tournée en solo. Et la deuxième fois, j'avais une tournée solo qui était programmée et j'ai demandé à l'organisateur, ok, je fais des solos, mais je veux rencontrer à chaque concert un musicien, si possible, n'importe qui, sur scène. Tu peux monter n'importe qui, mais c'est intéressant. Après, l'organisateur me connaît, donc il me fait rencontrer des gens avec qui ça peut matcher. Et à ce moment-là, je rencontre Xie Yu Gang, avec qui je fais un album, et après on a fait une autre tournée, on a fait une méga tournée en Chine. Lui, il a un groupe qui s'appelle Wang Wen, qui a, on va dire, c'est des cousins de Godspeed. Mais comment t'écris ça, Wang Wen? W-A-N-G, Wen, W-E-N, okay. Okay. Je pense que c'est ça. Okay. Wang Wen. Et c'est des, c'est des fils de Godspeed, en fait, ce groupe canadien que j'ai adoré. Pour moi, c'était des frangins, tu vois. Quand j'ai écouté Godspeed, je me dis, oh ouais, les mecs, putain, c'est trop bien leur disque et tout, j'adore. Tu vois, j'adore. Forcément, j'adore. T'as un sentiment de familiarité absolue, quoi. Dans la façon de concevoir la compo, comment tu la développes, comment tu fais exploser tout le bazar, comment tu retombes, comment les arrangements sont simples et hyper bien construits, hyper bien sentis, c'est naturel, y a pas de, tu sens pas de difficulté d'interprétation, c'est simple, c'est comme ça doit être joué, quoi. Et Wang Wen, en fait, j'en parle de ça parce que tu vois, en Chine, on dit, ouais, la Chine, pays très fermé de son machin. Wang Wen, donc c'est instrumental comme Godspeed, et il joue dans des stades. Et donc, ce mec-là, Xie Yu Gang, c'est le leader et compositeur du groupe, on est devenus hyper amis, je passais vachement de temps avec lui là-bas. Finalement, on a fait un album, on a tourné, on a beaucoup tourné en Chine tous les deux, musique improvisée, et on remplissait des clubs assez importants. Et la plupart des gens qui venaient nous écouter, c'était des femmes. Des jeunes femmes de 19 ans, 18 ans, toutes des musiciennes qui nous bombardaient de questions après les concerts sur le matos, sur comment jouer. C'était pourquoi vous faites ça avec telle intention, quelle intention vous donnez à tel jeu, pourquoi vous faites ça. C'est la curiosité, c'est bien ça. Extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et pourquoi les femmes? Ben souvent les femmes sont plus curieuses que les mecs, je trouve. Elles ont plus de... Elles creusent davantage. Je sais pas, mais souvent, elles ont, dans tous les cas, dans la musique, il y a énormément de femmes qui m'ont marqué. Carole Robinson, c'est une femme avec qui je bosse depuis longtemps. Je te parlais de Joël Leandre aussi, mais aussi beaucoup d'autres. Le monde est tellement dominé par les blancs hommes. Les femmes ont toujours été reléguées soit comme objet, soit comme soit sympa, mais tu fermes ta gueule et tu t'occupes de la famille. Et dans tous les cas, une vraie soumission, en fait. Si bien que les femmes qui s'en sortent, en fait, déjà elles n'ont pas de gosses. Toutes mes copines, elles n'ont pas de gosses. C'est des femmes qui ont vraiment fait des putains d'œuvres, en fait. Et souvent, je les trouve plus intéressantes que les mecs au niveau de leur travail, parce qu'elles sont obligées d'aller plus loin. Ah oui, pour revendiquer le fait qu'une femme peut arriver à ça, elle doit travailler davantage. Ouais, souvent, les mecs, ils font trois poètes et ils se la racontent. Ah ouais, puis là, c'est... Ils ont juste le discours qui va bien, puis t'écoutes ce qu'ils font et tu dis, bah, on s'en fout, en fait. Ouais, quoi. C'est ça, exactement. Tu vois? C'est très différent. Mais en ce moment, chez les jeunes, il y a beaucoup de... Je trouve la jeune génération, il y a pas mal de mecs qui remettent en question le fait que le patriarcat, c'est quelque chose qui a été extrêmement dévastateur aussi pour les mecs. Et être dans des stéréotypes qui, dans tous les cas, sont pas égalitaires hommes-femmes. Et c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup. C'est plus que ça, je trouve que c'est très important. Ça t'interpelle. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, c'est important. C'est important parce que en tant que mec, en subissant moins le patriarcat tel que je l'ai subi, moi je suis 63, tu vois, donc j'ai grandi dans un univers très macho, très masculin, même si j'ai été élevé par une femme seule. Sortir de tous les codes des mecs classiques. En fait, les mecs qui font cette démarche-là, je trouve qu'on est nettement plus heureux au final. Parce qu'on gagne en liberté, en curiosité et en liberté. Donc oui, c'est un sujet qui est... C'est plus que ça m'intéresse. C'est que ça m'a fait bouger aussi. Ces dernières années, ça m'a grave fait bouger. Mais la musique, est-ce que tu l'écoutes aussi à la radio? C'est très rare que tu puisses là-dedans. Radio, non. J'écoute peu la radio. Je bosse tout le temps. Mais... Et qu'est-ce qui t'accompagne? Écoutes-tu des disques que l'on te propose? Ou quand tu as un moment défini d'écoute musicale, qu'est-ce qui te fait prendre le casque d'écoute? Est-ce que c'est des gens qui te proposent d'écouter ça, tu vas adorer? Ça va un peu dans ton schéma, dans ton univers? Ça peut, des fois, c'est des potes qui me disent écoute ça. Puis ça match, évidemment. Ça, mais comme on a toujours fait. Ouais. Parce qu'ils te connaissent aussi. Ils savent tes vibrations. Ouais, après, c'est difficile parce qu'il n'y a plus de, comment dire, ligne éditoriale dans la musique non. Maintenant. Ouais. Donc, on fonctionne que par réseau. Pour se faire soit entendre, soit découvrir. Donc et comme il y a des dizaines de milliers de titres qui sortent tous les jours de musiciens autoproduits aussi extraordinaires que nuls, il y a tout. Ouais. Donc c'est extrêmement difficile de naviguer là-dedans. Ouais. On en perd beaucoup, peut-être même des génies. Ah ben il y a des perles, perles. Ouais. J'étais à La Réunion l'an dernier, j'ai découvert des groupes là-bas, tu vois, vraiment des groupes qui sont... Il fallait que j'y sois en fait pour les découvrir, pour les écouter live. Ouais. C'est là que ça se passe, sinon c'est fini. Ouais, non, c'est les rencontres, c'est toujours pareil, soit ouais. C'est les rencontres aussi qui fait qu'aujourd'hui tu es rendu là, oui, en oui, musique. Oui, pas de rencontres, pas d'évolution. Non. Ouais. Et c'est aussi le côté humaniste qu'il voudrait dans la musique. Avant tout, c'est ça. Il faut qu'il y ait tout, en fait. Ouais. Bien s'entendre avec la personne sur les idées, sur qui c'est, pourquoi tu fais ça. Et après, sur la musique, il faut que ça marche entre nous, qu'il y ait un échange. Et toi, tu te trouves aux extrêmes quand on parle de Brassens, de Brel, c'est vraiment pas ton, c'est pas ta tasse de thé. Non, parce que j'ai composé, donc je te dis, j'ai composé vraiment pour le groupe pendant longtemps. J'ai tellement fait ça qu'au bout d'un moment, je tourne en rond avec quelques accords. Et le monde est tellement vaste et la musique est tellement un monde infini de surprises, de découvertes. Quand j'ai commencé à mettre un doigt là-dedans, j'ai mis les deux mains et j'ai mis tout mon corps entier. Et en fait, ça m'a ouvert des perspectives que la chanson ne peut pas m'ouvrir. Mais dans ta... lorsque tu étais enfant, on écoutait quoi? Qu'est-ce qui jouait? Qu'est-ce qui te parvenait aux oreilles? Bah, la discographie de mes parents qui étaient très pauvres en termes de culture chez moi, c'était zéro culture de rien. Mais il y avait un disque de Grieg, compositeur norvégien, c'est un mec qui m'a complètement marqué. Okay. Et à 18 ans, je suis parti en stop à Édimbourg à la rencontre d'une œuvre qu'il avait composée là-bas. Et donc j'écoutais beaucoup ce disque, Peer Gynt, c'est un opéra. Et je suis rentré en stop à Édimbourg, je suis resté 15 jours à dormir, je dormais par terre. J'étais à la bonne franquette, comme tout jeune. Je connaissais personne, donc j'étais seul. J'espérais retirer quelque chose de l'endroit par rapport à cette musique. Et je cherchais quelque chose qui matche, en fait. Évidemment, j'ai rien trouvé. Mais voilà, ça, tu vois, c'est ce genre de choses qui m'a... Voilà. C'est un mec, je l'écoutais, j'avais même pas 10 ans, et en guitare, Django Reinhardt, c'est lui qui m'a donné envie de faire de la guitare. Et j'ai jamais joué du jazz manouche. De ma vie, je sais pas le jouer, je saurais jamais le jouer, je m'en fous, en fait, tu vois, mais c'est lui qui m'a mis sur la voie. Alors, quand t'en écoutes, c'est lui qui puise chez lui, tu puises dans son univers. Ouais, quand j'ai 7 ans, 8 ans, ouais. Mais là, t'as arrêté. C'est rare que tu y reviennes. Non, je ne peux plus du tout. Ben non, c'est dans une autre vie, quoi, comme on dit maintenant, c'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choses comme ça, comme Brel, Brassens, c'est évidemment, c'est des gens extraordinaires. Mais qui ne disent rien. Ils me disent beaucoup, sauf qu'ils ne nous restent plus depuis longtemps, tu vois. Mais j'ai une admiration sans borne, évidemment. Non, je cherche autre chose et je ne sais pas ce que je cherche spécialement. Et c'est pour ça que tu continues à creuser. Pour ça, et puis le son, quoi. Le son, c'est quelque chose qui structure tellement mon langage, en fait. Le son, la guitare, quoi. Ouais. Ça me fascine. Je suis fasciné par ça. C'est quoi le chaînage de pédales de guitare, mais tu utilises un médiator ou tu joues au doigt? Suivant ton intention, ça sonne pas pareil. Donc tu retiens quoi de ce que tu viens de faire tout à fait qui était vachement bien? Le lendemain tu le refais, c'est nul, ça sonne pas. Donc tu sais quoi, c'est quoi le truc? T'étais au doigt, t'étais au médiator, c'est quoi la pression que tu avais sur le manche? Donc c'est des centaines de milliers d'heures de passer à explorer des possibilités sonores, en fait. Et tous les questionnements qui viennent forcément se poser quand on fait ça. Est-ce que Frank Zappa est important pour toi? Oui, bien sûr. Ouais. Les Furt. Plus que Jimi Hendrix? Ben, Hendrix, je l'ai beaucoup plus écouté, Hendrix. Hendrix, c'est quelqu'un qui m'a marqué vraiment au fer rouge, tu vois, quand j'avais 10 ans, 10 ans. C'est les ans de la guitare, ça. Ouais. Hendrix, ça m'a retourné complètement tout, quoi. Toute ma vie. C'était avant Angus Young, de se laisser. C'est Hendrix. Dans les guitaristes, il y a Pete Townshend des Who, qui m'a retourné complètement. Plus tard, bien plus tard, il y a Led Zepp. J'y suis arrivé tard à Led Zepp parce qu'il jouait une musique qui était quelque part les origines du blues, tu vois, des choses très. C'est un groupe fantastique, ils en ont tellement défriché. Jimmy Page extraordinaire et tout, mais c'était pas de musique qui me parlait en fait. C'était déjà la musique de mes aînés, donc je n'avais rien à foutre, donc j'écoutais plutôt Boss. Boss, le guitariste de Boss, enfin tout le groupe était génial. Ouais. Le guitariste de Boss, c'est un mec qui m'a influencé, J'ai pris les premiers albums des Cure, les Stranglers. Là, j'étais parti sur des trucs. Plus lourd. Guitare. Très guitaristique. Ouais. Assez dark, enfin Cold Wave, tous ces trucs-là. Même U2, les premiers albums de U2, ça m'a parlé, tu vois. Ouais. Boys. Connais-tu Jean Leloup? October. Ça me dit quelque chose. Hein. Ok. C'est qui? C'est un musicien québécois. Ben, en fait, il est algérien. Il est algérien. Il est arrivé au Québec, je crois, à l'âge de 10-11 ans. Et c'est un auteur, compositeur, interprète de talent. Je connais de nom, mais j'ai dû l'écouter. Ouais, ça dit quelque chose. On le retrouve dans beaucoup de films français, dont un qui s'appelle René. C'est un novice. C'est un film de celui qui a fait Thérèse. En tout cas, il y a une fête dans une séquence de film et on entend une chanson de Jean Leloup. Jean Leloup a bien fonctionné ici, mais dans les années 90. Il y a une chanson qui s'appelle 1990. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est un virtuose de la guitare. Mais bon, comme c'est un homme qui est un peu perturbé, il a joué un peu avec le feu. Mais il fait toujours des disques de génie. Il y a toujours deux, trois petites chansons là, qui accrochent. Il est toujours à la recherche. C'est ça qui est bien. Comme toi. Hey, merci d'être passé à mon émission. Ben, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben, écoute, merci d'avoir accepté avant tout. Avec plaisir. Tu sais, je frappe aux portes, mais c'est pas tout le monde qui ouvre cette porte-là. Et quand il s'ouvre, ben moi, j'accepte tout le temps. Ben, t'as bien fait. Ben, voilà. Ben, si on frappe pas, on peut jamais savoir si la personne va accepter. Frapper, on ouvrira, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Avec plaisir, en tout cas. Merci. À la foyure, hein?